Vaccination Covid. À qui la population peut-elle vraiment faire confiance? Noch nie hat das Thema Impfen. Jamais auparavant, la question de la vaccination n'a autant divisé une société, divisé même les familles. Dès le début, les gouvernements ont préconisé la vaccination comme unique solution pour désamorcer la pandémie. D'autres méthodes de traitement, moins coûteuses, sont ignorées et ne reçoivent pas l'attention des médias. La vaccination elle-même est très controversée dans les milieux d'experts. Des médecins réputés considèrent plutôt la vaccination contre le Covid comme une manipulation génétique et une expérience sur les humains à l'échelle mondiale. Afin de prendre une décision en connaissance de cause, il est utile d'écouter également les déclarations de médecins expérimentés et indépendants. Il est particulièrement nécessaire de suivre le flux de l'argent et les liens d'intérêt. Dans quelle mesure peut-on faire confiance à des médecins qui dépendent directement ou indirectement de Big Pharma et qui sont récompensés pour leurs déclarations ou payés pour vacciner? Saviez-vous par exemple que les médecins autrichiens reçoivent une rémunération de 25 euros par vaccination contre le Covid? Le tarif horaire pour la vaccination mobile est de 150 euros. C'est seulement parce que les personnes vaccinées n'ont pas à payer personnellement que beaucoup pensent que ça ne coûte rien et même que les médecins fournissent des prestations gratuites. Une telle aubaine, il faut la saisir. Concernant l'information sur cette injection dangereuse en question, on devrait plutôt faire confiance aux personnes qui, malgré l'opposition médiatique et le risque de perdre leur droit d'exercer, mettent en garde la population en fournissant des preuves. Ils s'exposent à la critique publique. Ils mettent en jeu leur réputation, ils subissent des pertes financières en étant licenciés, ils sont arrêtés ou, comme cela s'est produit récemment, ils ont même reçu des coups. Chers téléspectateurs, les vrais héros sont plutôt les médecins qui défendent leur serment médical en vertu de la déclaration de Genève qui stipule entre autres je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte. Ce sont eux qui méritent d'être entendus. La kinésiologue Dorothea Antmann en est même convaincue. Si personne ne gagnait plus un seul centime grâce au Covid, le problème serait résolu et terminé en 2 heures.